بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قد أخذنا جمع مذكر سالم. طيب كومون لو فورمي محمد هنا سوي افيك مون عفوا هذا سي بيان الله يبارك فيك سي جو دي كيسيون لا بون انستان كومون لو فورم نعم بزيد تيت الواو والنون في حال الرفع في حال الرفع وفي حال النصب والجر بيا ونون نعم احسنت. طيب بارك الله فيك. الجمع مذكر سالم سا بارتير دو كوميان ا بارتير دو بلس دو 2 سي 3 À partir de 3, c'est mieux de dire ça. T'as à partir de 3. T'as Marakallahu fik. Pourquoi on l'appelait Salim? Parce qu'on regarde le radical. Ahsan, ça veut dire si on enlève le wa ou le nun, on trouvera le mot de base. Exemple? Muslimoun, muslimoun. Ahsan. Ah, muslimoun, muslimoun. Ishroun? En fait, c'est pas un djem moudak Salim, il prend la forme du. C'est-à-dire, il moulhaq. Au niveau de l'Arab. Voilà, mais pourquoi on ne l'a pas appelé? Parce que son singulier, il n'y a pas. Aishroun, son singulier, ce n'est pas Aishr. Vous faites ça? Barakallahu fikoum. Taï. Ad-dars rabi' ou l'Aishroun. Tout ce qu'on va lire là, Inch'Allah, on l'a fait. Hein. C'est juste de la lecture. Taï. Bismillah. Moi, je lis, Inch'Allah, si tu n'as pas compris, vous m'arrêtez. Hein. طالب واحد العدد للنون طالب واحد طالبان اثنان طالبة واحدة طالبتان اثنتان. On avait dit quoi بارك الله فيكم le 1 et le 2 المطابقة n'écrivez rien, tout est écrit tout est écrit. Regardez, il y aura أحوال المعدود, après il y aura أحوال العدد. طيب, c'est-à-dire à la fin il y a une conclusion. Vous vous souvenez de ça, hein? Le chiffre 1 et 2, la chose comptée, oui, va coordonner. Tu ne diras pas, par exemple, talibun wahidatun. Ou talibatun wahidun. Hada khata. Ou également, tu ne dis pas taliban ithnatan. Ou talibatan ithnan. Al-adad, al-wahid, wal-ithnan, barakallahu fik, laboud bil mutabaka. C'est compris ça? Thalathu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب. La règle d'ici c'était quoi? De 3 à 10, souvenez-vous. On avait dit quoi? De 3 à 10, la chose comptée. C'est-à-dire si l'unité, si elle est au féminin, la chose comptée, elle sera masculin, pluriel, majrour. De 3 à 10. Tout le monde se souvient? ثلاث طالبات أربع طالبات خمس طالبات ست طالبات سبع طالبات ثماني طالبات تسع طالبات عشر طالبات. La même chose. Là on a quoi? Une unité masculine. Et on a quoi? Automatiquement, la chose comptée sera féminin, pluriel, مجرور. أحد عشر طالبا إحدى عشرة طالبة إثنى عشر طالبا إثنتا عشرة طالبة. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ici, la règle, c'était quoi, barakallahu fikoum? L'unité, la dizaine et la chose comptée se coordonnent. Hein? Mais forme, ahada ashara taliban, ihda asharata talibatan. C'est compris, ça, Inch'Allah? 13. Thalata, thalatata ashara taliban. Taïb. Arba'ata ashara taliban. Khamsata ashara taliban. Sittata ashara taliban. سبعة عشر طالبا ثمانية عشر طالبا تسعة عشر طالبا عشرون طالبا. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. ici la règle ici barakallahu fikoum c'est de 11 à 99. La chose comptée elle est singulier mansoub. Me fou mala? Tout le monde a compris? طيب. Et on avait dit quoi également barakallahu fikoum? On avait dit que l'unité était l'inverse de quoi? De la chose comptée. Suivez bien. Alors que la dizaine et la chose comptée se coordonnent. Mais faut madame. C'est-à-dire si la chose comptée est masculin, l'unité sera féminin et la dizaine sera masculin. Masculin. Mais faut madame. Concentrez-vous sur quoi vous? Sur la chose comptée de 11 à 99. Si la chose comptée de 11 à 99, allez, c'est masculin,